Ralenti dans la situation. Numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2. Oui, réponse C. Non, réponse D.